Deuxième partie, chapitre 1er. La vie du marquis et de la marquise d'Astorre changea peu dans les deux années qui suivirent les épisodes que nous venons de raconter. Massimo ne regrettait jamais de s'être marié aux yeux du monde. À l'abri de toute tentation de mariage et toujours complètement libre, s'amusant de la curiosité qu'il excitait, content de savoir Elisa tranquille et de l'avoir enviée, flatté dans son amour-propre et dans son désir permanent d'étonner la foule, il avait en même temps conscience d'une bonne action accomplie. Même de loin, il jouissait du bonheur matériel d'Elisa, qui était son œuvre à lui, et l'affection qu'il lui avait vouée lui procurait une satisfaction intime. C'était une amitié qui lui permettait de rester 10 mois sans la voir, mais par laquelle il ne pouvait l'oublier, une camaraderie se renouvelant toujours après une longue absence, et qui le poussait à lui parler avec l'abandon qu'on éprouve auprès d'un ancien ami. Oui, bien que l'amitié soit très possible entre un homme et une femme, Elisa était pour lui encore plus un ami qu'une amie. Comme ceux qui le croyaient très amoureux de sa femme eussent été étonnés en apprenant la vérité. Si par hasard il se souvenait qu'Elisa était une femme, son amie se transformait alors en une sœur, et voilà tout. Massima resta longtemps absent à Paris et à Londres. Il fit ensuite partie d'une mission diplomatique en Suède. Comme toujours, il fut très remarqué partout, charmant les connaisseurs par le goût raffiné de son luxe, étonnant tout le monde par sa causerie étincelante et par ses actions plus paradoxales que ses discours, par son entrain et sa froideur, par la sûreté de ses démarches et par son attitude nonchalante. Il ébaucha avec une jeune héritière anglaise un roman dont on parla beaucoup, et qui eut un côté dramatique et un côté comique, également intéressant pour les spectateurs. Deux fois, il se brouilla avec Hansler et se raccommoda avec elle. Lui, qui autrefois avait tant perdu au jeu, gagna maintenant des sommes folles, poursuivi par une veine insolente. Cependant, il s'ennuyait. La monotonie découlait pour lui de la variété même de son existence, et les moyens qu'il possédait si largement pour satisfaire tous ses caprices lui faisait sentir plus fortement la vanité de leur réalisation. On peut se donner toutes les jouissances, mais il est impossible de se procurer un seul désir. Il songeait souvent qu'il doit se trouver beaucoup plus de vraies variétés, de couleurs, dans une vie en apparence uniforme, où chaque détail acquiert une importance vitale, que dans une vie comme la sienne, que peut-être l'intérêt n'existe que dans la poursuite d'un but unique. Ses anciennes idées d'ambition lui revenaient alors, il sentait le poids de son intelligence infructueuse, et la tentation le reprenait d'en tirer parti et de chercher un rôle important à jouer. Dans la troisième année de son mariage, Massimo resta plusieurs mois sans même se montrer à Florence. Jamais il n'avait fait d'absence aussi longue. Quand il y revint dans l'état d'esprit que nous venons de décrire, il y arriva rempli de toutes sortes de projets encore vagues. Pendant tout ce temps, Elisa, de son côté, s'était faite de plus en plus aux réalités de la vie, tandis que le monde s'habituait un peu à elle. On l'aima sans espoir, on la courtisa sans succès, on continua à dire d'elle le plus grand bien et le plus grand mal. Elle ne se fiait jamais qu'aux rares amitiés éprouvées et sincères. Elle avait continué à vivre dans une solitude relative, faisant beaucoup de bien, reconnaissante et résignée, occupée et tranquille, et avait aussi un peu voyagé. Des changements étaient survenus en elle. Au moral, elle avait trouvé l'équilibre et une sérénité relative qu'elle n'eût jamais espéré conquérir. Au physique, elle s'était singulièrement embellie. Les femmes ont parfois un épanouissement inattendu. Il fut étonnant chez elle. Elle trouva dans l'exercice recommandé par les médecins un tel bien-être et un tel apaisement, une si saine et si réelle distraction à ses pensées, qu'elle s'y livra avec entrain. Souvent, le matin, elle montait à cheval, et bercée par le mouvement cadencé de la noble bête, respirant à plein poumon l'air frais qui lui caressait le visage, sentant ses yeux se remplir de lumière et admirant sans réflexion la beauté des arbres verts sur l'azur du ciel, elle se sentait puissamment vivre de cette bonne existence presque végétale qui est le meilleur contrepoison des sentiments morbides. Fortifiée par cette vie régulière, hygiénique et facile, son corps avait magnifiquement mûri, son teint avait acquis une transparence et une fraîcheur toutes nouvelles, et l'expression indélébilement mélancolique de sa physionomie rendait plus séduisant l'épanouissement de sa personne. Le plein contour de son visage contrastait avec son sourire résigné, la pureté de ses yeux avec son regard profond. Massimo remarqua ce changement. Très occupé pendant les premiers jours, il n'eut pas le temps d'y songer beaucoup et vit peu Elisa. Un doute lui traversa toutefois l'esprit. Quelle pouvait être la cause de cette nouvelle floraison de sa beauté? Serait-ce une nouvelle vie qui venait de surgir en elle? Aimerait-elle quelqu'un? Ayant le courage de le dire au risque de scandaliser, sceptique et fraternel en même temps, Massimo n'était pas du tout jaloux. Il ne l'avait jamais été. Il avait éloigné le musicien Wurtz tout simplement par crainte qu'il n'attristât Elisa et la compromît sans le vouloir. Et la scène qui clôt la première partie de ce récit, s'il n'a pas été mal interprété par le lecteur, lui aura montré à quel point d'Astore avait toujours été indulgent pour sa femme. Il l'observa cependant par curiosité et se persuada bien vite que son doute était faux. Mais en la regardant, il ne pouvait se persuader d'avoir la même femme devant les yeux. Il l'avait toujours trouvée charmante. Maintenant, presque à son insu, il l'admirait. Du reste, il ne la voyait que très rarement. Il était forcé d'aller un peu partout, et après une si longue absence, on se l'arrachait. Toutes sortes d'affaires le réclamaient, et il s'occupait de différents projets encore peu définis. On le pressait de reprendre la carrière diplomatique, le voyant assez bien disposé. Et on lui laissait entrevoir qu'il pouvait aspirer à tout. Telle était la situation lorsque, simplement et sans secousse, presque par hasard, les choses changèrent tout à coup. Il y eut un bal chez un vieux diplomate autrichien retiré, mais dont l'influence politique était toujours très grande, une fête magnifique qui avait en même temps un caractère officiel. 1 heure du matin sonnait déjà lorsque Massimo, toujours en retard selon son habitude, monta l'escalier littéralement couvert de fleurs du somptueux hôtel où le baron de K s'était nouvellement installé. Elisa, restée dans l'incertitude toute la journée, avait fini par déclarer qu'elle n'irait pas. Comme toujours, beaucoup de regards se tournèrent vers la porte par où le marquis d'Astore fit son entrée au milieu de l'animation de la salle de bal. Malgré son extrême amabilité et la modestie voulue de ses allures, il imposait par son grand air. Il s'avançait parmi les groupes, doucement, portant sans la moindre gêne son habit couvert d'ordres étrangers, souriant aux dames et cherchant à se frayer un passage pour arriver jusqu'au maître de la maison qui venait à sa rencontre. Le baron causa assez longuement avec lui, puis ils furent séparés par la formation d'un quadrille. Massimo continua son tour de l'appartement, arrêté à chaque instant, obligé parfois de revenir sur ses pas, toujours observé et ayant toujours l'air de ne se croire vu de personne. À la salle du buffet, il se sentit touché au bras. C'était Lady Thompson, qui voulut absolument le présenter au passage à une dame napolitaine, très belle, nouvellement arrivée et dont on parlait beaucoup. « Comment la trouvez-vous ? » lui demanda un jeune homme qui guettait le moment où il quitterait les dames. « C'est la beauté du jour. »« Médiocre, mon cher ami, il n'y a pas une seule femme ici. Je m'en vais au fumoir. » Mais comme il s'y rendait, en traversant une salle déserte, il fut forcé de s'arrêter. Une femme qu'il ne reconnut pas, la voyant de dos, attira son attention. Il se retourna 2 fois pour admirer sa taille svelte et imposante, ses magnifiques épaules et sa toilette caractéristique. Le fumoir était rempli de monde et on y causait bruyamment. Massimo en eut bien vite assez. Il jeta sa cigarette et retourna dans les appartements. En entrant dans la salle de bal, il rencontra la comtesse Goffredi qui lui dit qu'Elisa le cherchait. « Mais comment, elle est ici ?»« Oui, c'est moi qui l'ai décidé à 11 heures. Nous sommes venus ensemble, mais tenez, la voilà qui entre au bras du général. » « Où donc ? Là-bas ? Adieu, allez à sa rencontre !» Massimo eut un léger éblouissement. Il retrouvait dans Elisa l'inconnue qu'il avait admirée 1 quart d'heure auparavant. Peut-être, si la comtesse ne la lui eût montrée, ne l'eût-il pas reconnue tout de suite. Madame d'Astore s'avançait lentement au bras d'un vieillard en uniforme, causant une espèce de remous dans la foule, car on se pressait pour la voir, et on s'écartait avec admiration pour la laisser passer. Jamais le changement qui s'était opéré en elle n'avait été aussi visible. Jamais le nouveau caractère de sa beauté ne s'était tant accentué. Sa tournure surtout excitait la curiosité, car, par un de ces hasards qui arrivent parfois aux femmes les plus honnêtes, elle avait fait presque inconsciemment une de ces toilettes provocantes qui obligent, dans un bal, les hommes à se parler bas à l'oreille, tandis que les dames, en souriant malicieusement, lancent leurs remarques les plus acerbes et les moins sincères. En Italie, la mode des robes collantes ne faisait en ce moment-là que poindre à l'horizon, et tandis que les autres étaient encore des jupes bouffantes d'étoffes légères couvertes de nœuds et de colifichets, Elisa, un peu honteuse du trop grand succès de sa toilette parisienne, était serrée dans un simple fourreau en satin rose très pâle, à cuirasse très longue et dont la traîne seule, complètement détachée, était couverte d'un fouillis de dentelle et de fleurs. De sa taille, d'une incroyable finesse, s'élargissait un buste majestueux qui paraissait tout nouveau et fait pour l'occasion, d'où sortaient des épaules admirablement rondes et blanches et un cou d'une rare pureté de ligne entouré d'un seul rang de diamants. Sa coiffure montrait la forme de la tête et d'un épais chignon très serré sur la nuque se déroulaient quelques mèches folles. Le maintien modeste et un peu embarrassé, mais la démarche sûre, elle s'avançait toujours, se jetant parfois en passant devant un miroir un long regard de ses yeux bleus, comme pour bien se reconnaître elle-même. Son teint, d'une pâleur mate et unie, s'harmonisait singulièrement avec la nuance de sa robe, dont la coupardie contrastait au contraire avec le sérieux de sa physionomie et la mélancolie de son sourire. Un sculpteur n'eût certes pas trop admiré ce genre de robe, qui, en enfilant et allongeant trop la taille, en marquant trop les formes, semble vouloir corriger l'épreuve de la femme que Dieu nous a donnée. Mais il eût certes admiré les bras, auxquels les gants longs à la mode n'ôtaient rien de leur beauté classique. Il y avait foule autour du carré où était Elisa, et son danseur ne pouvait presque plus lui parler, car à chaque instant quelqu'un s'approchait pour lui glisser un mot. Évidemment, on ne voyait qu'elle, et jamais elle n'avait été si entourée. Massimo comprenait cela mieux qu'on aurait pu le croire, car qui aurait deviné qu'il était tout à coup lui aussi sous le charme. À la fin de la danse, Elisa l'aperçut et vint s'asseoir près de lui, en racontant comment elle l'avait inutilement cherché jusqu'alors. Pendant qu'elle parlait, Massimo, les yeux baissés, écoutait au contraire ce que lui disait un tout petit soulier de satin rose qui dépassait le bout de la robe. Puis, il releva la tête, et en admirant Elisa de près et en détail, il ne pouvait revenir complètement de la première surprise que lui avait causée son apparition. « Je n'aime pas cette robe, » ajouta-t-elle, « on me regarde trop. Et vous, comment me trouvez-vous ce soir ?»« Si belle que je ne vous ai pas reconnue. »« Merci du compliment, » répondit-elle en riant. Mais lui ne souriait même pas. Il la regardait sérieusement, d'un œil froid, mais fixement, et d'une façon qui la gênait un peu. Ils causèrent encore de choses indifférentes, puis il y eut un long silence. La figure de Massimo s'assombrissait. Silencieux, il ne faisait pas mine de vouloir bouger. Elle n'osait se lever. L'orchestre attaqua une valse. Ils étaient tout près de la porte où les couples passaient. Elisa laissa encore tomber un mot de temps en temps auquel Massimo ne répondit plus. Il était plongé dans une rêverie dont il ne fut réveillé que par le silence de l'orchestre quand la valse cessa. Jetant les yeux autour de lui, il ne se sentit pas à son aise. Il lui semblait qu'on le remarquait et qu'on remarquait Elisa près de lui. Pensant qu'on devait trouver étrange de le voir ainsi près de sa femme, il laissa échapper un léger éclat de rire et, comme Elisa lui en demanda la raison, il lui répondit brutalement pour la première fois de sa vie. Elisa, qui se sentait nerveuse en ce moment-là, en fut très étonnée et plus blessée qu'elle ne l'eût peut-être été dans toute autre occasion. C'était elle qui l'observait maintenant, et toujours elle n'osait se lever. Massimo, en butte à tous les regards, se sentait très légèrement ridicule. « Eh bien, lui dit-il enfin, vous ne bougez donc plus, vous ne dansez pas, vous n'allez pas au buffet ?» Elle répondit très doucement. « J'avais promis à la comtesse que j'irais souper avec elle, mais je suis un peu fatigué, et comme je sais que la voiture est là, je préférerais rentrer. Allons donc, je n'ai aussi assez de ce bal. Je vous accompagnerai à la maison. » Elisa se leva sans dire un mot. « Venez par ici, » dit-il, « je connais l'appartement, c'est plus court. » Et traversant une serre déserte, ils enfilèrent un corridor et se trouvèrent dans l'antichambre. Mais du salon d'entrée, beaucoup de personnes se penchèrent pour regarder, en voyant Madame d'Astorée paraître au bras de son mari. Elisa, un peu attristée, baissait la tête, tandis que Massimo respirait le parfum particulier nouveau qui sortait d'elle et sentait la rondeur de son bras sur le sien. Il l'aida à se bien couvrir et ils descendirent seuls l'escalier. Sur le premier palier s'élevait une grande glace entourée d'arbustes. Ils s'y virent ensemble. C'était un bien beau couple que le miroir reflétait. En bas, le Suisse fit avancer le coupé. Elisa monta et Massimo resta une minute un pied déjà dans la voiture, tandis que le domestique regrimpait sur le siège. Mais tout à coup, changeant d'idée, il sortira, ferma violemment la portière et fit signe au cocher de partir. Puis il alluma un cigare et s'en alla à pied. 3 jours se passèrent sans qu'Elisa revît Massimo. Pendant ce temps, elle réfléchit beaucoup sur son étrange conduite. Ensuite, elle le retrouva tel qu'elle l'avait toujours connu. Seulement, il l'observait comme s'il l'étudiait. L'impression que le bal du diplomate autrichien laissa dans l'esprit de Massimo fut plus forte et dura plus qu'il ne l'aurait cru lui-même. Elisa s'était révélée à lui sous un jour nouveau, et ce viveur encore jeune avait senti brusquement surgir en lui pour cette femme qui, aux yeux de tous, était sa femme, un de ces violents caprices d'homme blasé qui peuvent conduire très loin. Par un hasard qui paraissait une malice du sort, la nouvelle beauté d'Elisa était précisément la beauté que Massimo rêvait en ce moment exact de sa vie. De plus, il crut s'apercevoir qu'il la connaissait mal et que beaucoup de côtés de cette femme, sans aucun doute supérieure, lui étaient encore cachés. Et alors, à son admiration nouvelle, se mêla une vive curiosité. Il lui semblait qu'il y avait maintenant 2 femmes en elle, l'ancienne qu'il aimait encore d'une affectueuse amitié et la nouvelle qui le troublait. Pour celle-ci, il n'avait qu'un caprice auquel, par moments, il souffrait de résister. Mais quand il ne voyait que l'autre, il ne pouvait la considérer que comme une sœur d'adoption. Toutefois, ce qu'il avait eu jusqu'alors de paternel dans ses sentiments disparaissait. Il avait toujours envisagé Elisa comme une personne bien différente de lui, moralement supérieure, mais inférieure aux autres points de vue. Il l'avait un peu traitée comme une enfant, et c'était naturel, ayant été poussé d'abord vers elle par un instinct de protection. Maintenant, cela ne lui était plus possible. Il la sentait son égale. Le marquis d'Astorée devint timide. Un désir le rajeunissait, et pour la première fois de sa vie, il voyait des obstacles insurmontables à l'accomplissement de ce désir. Il avait, on l'aura compris peut-être, une probité à lui, cet homme sans principe qui faisait fi de tant d'idées reçues, et selon ses idées particulières, la situation était extrêmement délicate. Si l'on avait pu lire ses pensées, on eût été bien surpris, et peut-être l'eût-on trouvé ridicule. Pourquoi le bonheur ne lui avait-il pas été accordé d'avoir un caprice pour toute autre femme? Fût-ce une reine, il se serait jeté tête baissée avec joie dans l'aventure, à travers toutes les difficultés et tous les périls, tandis que devant Elisa, il pensait plutôt à fuir. Il examinait cependant sa position froidement et avec la sûreté du regard qui ne lui manquait jamais. Il réfléchit au passé et au présent d'Elisa comme il n'avait fait jusque-là. Et un matin qu'il l'accompagnait à cheval, en admirant sa beauté épanouie, son profil qui faisait rêver, la profondeur bleue de ses grands yeux distraits, tout le charme intelligent de son visage et l'élégance exquise de ses mouvements, il songea tout à coup à son avenir. Et pensant que peut-être cette jeune femme se trompait elle-même en croyant sa vie finie, il se sentit pendant quelques instants jaloux d'un avenir improbable. C'était une matinée délicieusement fraîche et printanière. Tout un concert d'oiseaux cachés éclatait en notes perlées dans la tendre verdure des arbres. les sabots des chevaux résonnaient agréablement sur le terrain à peine humide. On se sentait envahi par quelque chose de sainement voluptueux qui empêchait de parler, et Massimo remarquait parfois quelques promeneurs matinales qui lui jetaient un regard d'envie. « Savez-vous, Elisa, dit-il brusquement en mettant son cheval au pas, qu'on m'a offert hier le poste de ministre à Washington. Vraiment ? Mais vous n'accepterez certes pas d'aller si loin. J'avoue que je suis indécis. » Elle le regarda étonnée. « Oui, je suis indécis. D'un côté, je pense qu'il me faudrait rompre avec toutes mes habitudes, commencer une vie nouvelle, et je me dis que cela n'en vaut pas la peine. Mais, d'un autre côté, je songe que je m'ennuie, que bien des choses ne m'intéressent et ne m'amusent plus, qu'un grand changement me fera du bien, que vous n'avez pas besoin de moi, car naturellement l'idée que vous m'accompagneriez là-bas ne m'est jamais venue et que... Et puis voyez-vous, je suis peut-être un ambitieux. Cette offre est très flatteuse. Songez donc, j'ai quitté la carrière n'étant que second secrétaire et voilà que d'emblée je serai nommé ministre. D'ailleurs, on m'a assuré que je ne resterai en Amérique que 2 ans en plus et qu'ensuite je pourrais me choisir un poste d'ambassadeur en Europe. Avouez que c'est assez tentant. Vous dites cela d'un ton qui dément vos paroles et je crains peu ce départ. Si je l'osais, je vous dirais même que je ne crois pas trop à votre ambition. Massimo la regardait. Elle avait prononcé ces paroles assez gaiement, mais il remarqua un certain trouble dans sa physionomie. Elisa comprenait. Malgré son air dégagé, elle se sentait mal à son aise. La gêne qu'elle avait toujours éprouvée auprès de Massimo devenait bien plus pénible, quoiqu'elle sût mieux la cacher. Sans se trahir autrement que par quelques attentions prévenantes, Massimo passait maintenant le plus de temps qu'il pouvait auprès d'Elisa. Il restait de longues heures à causer avec elle, se perdant quelquefois dans des dissertations à perte de vue, comme il ne l'avait jamais fait jusqu'alors. Mais il lui arrivait de s'arrêter tout à coup, s'apercevant qu'il ne pouvait continuer. Il ne savait plus parler de certaines choses sur lesquelles, jadis, il ne s'exprimait que trop librement. Après l'avoir si longtemps traité en garçon, il se sentait pris d'étranges pudeurs et craignait à chaque instant de l'effaroucher, de la blesser dans ses délicatesses féminines. La pureté que ses yeux reflétaient le rendait gauche, et en même temps elle l'étonnait par la justesse de ses points de vue, par des mots subis et profonds. Son intelligence devait s'être aussi singulièrement mûrie avec le reste, dans les méditations de sa vie tranquillisée. Et comment avait-elle pu se perfectionner le goût au point de le rendre impeccable et mettre dans tout ce qu'elle portait ou dans tout ce qui l'entourait une note d'originalité d'autant plus difficile à imiter qu'elle paraissait plus discrète? Elle avait acquis un avantage immense sur toutes les femmes, celui de ne ressembler à aucune. Sa position, si différente de toutes les autres, en était peut-être la cause. Sérieusement, Massimo pensait parfois à s'éloigner, en acceptant le poste qu'on lui offrait. Malgré les changements extérieurs de la nouvelle beauté d'Elisa, il la savait irrémissiblement fidèle au passé. De plus, elle ne pouvait avoir pour lui, de toute façon, que des sentiments d'estime et de reconnaissance. Il s'en apercevait bien. Il ne lui inspirait aucune confiance venant du cœur. La sympathie d'Elisa pour lui était une sympathie de raison et non d'instinct. La gêne, la crainte et le malaise vague que toujours elle avait ressenti devant lui existaient encore et augmenteraient certainement s'il changeait d'attitude auprès d'elle. Elle avait su trouver une franche affection à lui donner en échange de sa généreuse amitié. Ne pourrait-elle avoir de la haine pour son amour? Et il ne se trompait pas tout à fait. Quand Elisa eut tout deviné, un frisson l'enveloppa de la tête aux pieds et l'avenir qui jusqu'alors s'étendait devant ses yeux comme une longue allée fraîche et uniforme lui apparut empli de périls. Bien des fois, elle avait songé aux dangers inhérents à sa position même. Jamais elle n'avait prévu ce qui arrivait. Massimo se disait que ce caprice pour sa femme, quoique très fort, ressemblait à beaucoup d'autres caprices qu'il avait eus et qui avaient peu duré, et qu'il passerait aussi. Il décida donc qu'il serait absurde de s'y abandonner. Cependant, tout ce qui l'intéressait encore à Florence quelques jours auparavant ne lui offrait plus la moindre distraction et il ne pouvait s'empêcher de rester auprès d'Elisa. Il lui semblait qu'elle le fuyait un peu. Elle trouvait des prétextes pour sortir quand il ne faisait pas mine de vouloir s'en aller. Dans leur long tête-à-tête, elle dirigeait la conversation avec une grande habileté et non sans une certaine fatigue à peine visible. Évidemment, elle craignait les silences. Le poste de Washington ne pouvait être offert officiellement à Dastorey que dans 3 mois. Il se sentit incapable de rester jusqu'à cette époque. Un soir, il décida qu'il valait mieux partir de suite. Il laissa entendre qu'il accepterait probablement d'aller en Amérique et qu'en attendant, il devait aller à Milan et retourner peut-être à Paris. Lorsqu'il annonça cette décision à Elisa, elle eut l'air, comme d'habitude, de trouver son départ tout naturel. Il en fut blessé, lui qui, quelques semaines auparavant, aurait été surpris par la plus légère observation de sa part. Toutefois, comme il lui demanda encore une fois son avis à propos de Washington, elle l'en déconseilla. Bien qu'un peu gênée, elle fut avec lui affectueuse comme elle l'avait toujours été, tandis que lui, sa décision prise, retrouva tout son aplomb et se montra tel qu'il voulait être jusqu'à la dernière matinée qu'il passa auprès d'elle. Ils avaient déjeuné ensemble causant de choses indifférentes. On avertit Massimo que la voiture était prête. Il se leva, et en disant adieu à Elisa, il sut la baiser au front fraternellement avec sa sérénité habituelle. Sa froideur même, sa force de volonté troubla Elisa. Elle se sentit gauche. Il y eut une longue minute de silence embarrassant, un de ces silences profonds pendant lesquels il nous semble presque voir les paroles que nous ne prononçons pas flotter dans l'air. Tout à coup, Massimo, la main sur le bouton de la porte, se retourna et dit tranquillement « Je crois que j'ai raison de partir. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Je ne puis préciser la durée de mon absence, mais j'espère qu'elle ne sera pas longue. Pendant ce temps, je réfléchirai et je prendrai une décision quant à Washington. Qu'elle soit négative ou affirmative, nous nous reverrons. » « Oui, cela vaut mieux. Vous le sentez aussi. Enfin, adieu et au revoir. » Et il partit, laissant Elisa troublée. Une espèce de remords la saisit, qu'elle crut passager et qui, au contraire, alla croissant dans les premiers jours de solitude, car elle fit en sorte de voir très peu de monde, sentant un grand besoin de se recueillir. Quelque chose lui criait qu'elle avait tort, et il lui semblait que les objets extérieurs, le ciel, le spectacle de la vie, tout s'associait à cette voix. Eût-elle demandé l'avis de n'importe qui, elle était sûre qu'on aurait donné raison à ce sentiment, nouveau et encore obscur, qui s'élevait du fond de sa conscience, contre toutes les raisons que trouvait son cœur pour faire à sa guise. Elle se disait que la situation si exceptionnelle créée par son mariage apparent avec Dastorey était restée possible entre eux jusqu'à ce jour à cause de leur manière de vivre respective, mais qu'elle cessait de l'être dès que l'un des deux, par quelque motif que ce fût, changeait. Que sa fidélité éternelle et absolue à un absent à jamais perdu pour elle, vrai au point de vue d'une haute réalité poétique, inattaquable selon son cœur, était fausse au point de vue pratique de la vie sociale. Du jour où Massimo, à sa manière, l'aimerait réellement, dès qu'elle deviendrait utile à son bonheur, son vrai devoir ne serait-il pas de sacrifier son culte du passé à l'homme qui avait tant fait pour elle, de tâcher de lui rendre tout entière l'affection nouvelle qu'il lui vouait? Il l'avait sauvée, rendue à une vie possible. Il avait fait pour elle ce que personne n'aurait pu ni voulu faire. Devait-elle, maintenant, refuser le seul moyen qui s'offrait à elle de lui témoigner dignement sa reconnaissance? Et cependant, dès qu'elle pensait à la vie qu'elle devait entreprendre, si vraiment Massimo le voulait et qu'elle crut devoir se conformer à sa volonté, une tristesse toute nouvelle venait lui serrer le cœur. Elle sentait quelque chose qui se mourait dans son âme. Par moments, par la force de la raison, cela lui paraissait facile, puis tout son être se révoltait et elle voyait devant elle non plus le meilleur parti à prendre courageusement, mais un pénible devoir à accomplir en souffrant et en se cachant de souffrir. Massimo écrivit simplement, donnant de ses nouvelles et s'informant affectueusement d'Elisa, à peu près dans le style qui lui avait été toujours habituel. Cela tranquillisa Elisa et elle commença à espérer que rien ne serait changé dans sa vie. Mais un matin, un mois environ après le départ de Massimo, elle reçut la lettre suivante. « Chère Elisa, je ne puis vous le cacher plus longtemps, je m'ennuie à en mourir. J'ai cru passager le changement qui, depuis quelque temps déjà, s'est produit en moi, mais ce changement persiste et il me semble qu'il doit être définitif. Il faut que ma vie prenne une nouvelle direction. Vous dire ce que vous savez déjà me paraît inutile. En votre qualité de femme et de femme intelligente, vous devez m'avoir compris mieux que je ne me comprends moi-même. Et je l'avoue, par moments je ne me comprends plus du tout. Je ne peux plus continuer à vous envoyer des phrases banales. Il faut que je sois sincère et il faut que je me décide à quelque chose. Mais cette décision, c'est vous qui devez la prendre pour moi. Tout serait-il pour le mieux si j'acceptais le poste de Washington ? Si vous le croyez, dites-le-moi, car j'ai hâte de connaître mon sort, et si tel était votre avis, j'écrirai de suite au ministère. Sinon, dites-moi de retourner auprès de vous, et j'accourrai. Mais, vous le savez, n'est-ce pas sans que je vous l'apprenne, ce serait maintenant pour ne plus jamais vous quitter. La situation est nouvelle et piquante, convenons-en, car on me prend pour un homme d'esprit, et on me croit votre mari. De plus, j'ai la réputation d'un roué, et moi, ancien diplomate et ex-viveur, je ne sais plus que vous adresser bêtement la phrase suivante. « Marquise, me permettriez-vous de vous faire la cour ?» Que diraient mes amis s'ils pouvaient voler cette lettre à la poste? Qu'en penserait même l'indiscret employé qui l'ouvrirait par zèle? Qu'est-ce que j'en pense moi-même en l'écrivant? Je ne le sais trop, mais ce que je sais, ce qui m'étonne, me charme et me navre en même temps, c'est qu'en tâchant de deviner ce que vous en penserez, mon cœur bat comme celui d'un écolier de 20 ans, du temps qu'il y en avait encore. Oui, je vous vois d'ici ouvrant cette lettre et croyant y trouver de mes nouvelles. Je vois votre œil parcourir les premières lignes distraitement, puis rester comme accroché par un mot. Je vous vois recommençant à lire de crainte d'avoir mal compris. Hélas, vous avez parfaitement compris et c'est la pure vérité. Mais êtes-vous réellement surprise? Non, n'est-ce pas? Vous aviez deviné depuis longtemps. Oui, il me semble vous voir de profil, sérieusement douce, et je tâche d'apercevoir en dessous votre œil bleu attaché au papier. Est-ce un sourire qui plisse le coin de votre lèvre? Mais je me trompe, peut-être, et au contraire, vous pâlissez. Au nom du ciel, soyez sincère. Qu'aucune idée, qu'aucune crainte, qu'aucun scrupule ne vous empêche de me dire la vérité. Pour ne pas vous influencer, je répète ceci. Je ne sais pas moi-même s'il ne vaut peut-être pas mieux que je parte. Méditez ces paroles, soyez franche. Si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie de vous dire toutes ces choses sans pouvoir m'y décider. Ai-je raison de le faire enfin? J'en doute encore. Je me suis éloigné pour ne pas parler, et ce silence qui de loin me pèse plus encore qu'auprès de vous, n'aurais-je pas mieux fait de le garder toujours? Non, cette lettre partira et vous la lirez bientôt. Mais encore une fois, je vous en supplie, dites la vérité. Répondez vite, réfléchissez, mais pas trop longuement. Laissez parler l'instinct. Je suis persuadé que dans ce cas, le premier mouvement sera le bon, le vrai, du moins. Quand Elisa reçut cette lettre, elle était dans son boudoir avec Madame Goffredi et son beau-frère. Elle pâlit en effet en la lisant. Puis, maîtrisant son émotion, elle reprit la causerie ininterrompue, ne sachant pas ce qu'elle disait, et pensa à leur confier tout et à leur demander conseil. Comme toutes les personnes qui n'ont jamais parlé de leur peine à âme qui vive, elle éprouvait un impérieux besoin d'épanchement. Mais elle n'en fit rien, car en même temps qu'elle avait le désir de parler, elle en sentait l'impossibilité, et elle laissa partir ses amis sans se trahir. Le moment décisif était arrivé. Il fallait répondre sans retard, mais le retard eut lieu. 20 fois elle prit la plume et la posa. Les heures semblaient passer avec une rapidité effrayante. Elle s'était donnée la nuit pour réfléchir. Et en effet, elle ne dormit pas, mais rien n'était arrêté dans son esprit lorsque le jour parut. Le lendemain matin, elle sortit à cheval, mais en plein air, sous la fraîcheur des arbres murmurant, Toute pensée s'arrêtait dans son cerveau, et la vue de l'horizon la remplissait d'une rêverie si flottante qu'elle ne pouvait nouer deux idées. Elle s'enferma dans son boudoir, et là, elle n'eut plus que de la tristesse. Elle sentait bien qu'elle n'avait pas le droit d'être indécise et qu'il fallait faire ce qu'elle croyait être son devoir. Après se l'être dit tant de fois et l'avoir compris depuis si longtemps, comment hésitait-elle? Mais cependant, Massimo ne la priait-il pas de répondre toute la vérité? Quelle était la vérité? Elle s'apercevait bien que sa pensée cachait un sophisme. « Faut-il donc que je le trompe ?» se disait-elle encore, en relisant la lettre pour la dixième fois. « Non, il faut que ce que tu dois lui répondre devienne la vérité, » répondait sa conscience. En attendant, le temps marchait. 3 jours s'écoulèrent. Décidée maintenant, elle voulait écrire, mais ne le pouvait. Cela devenait presque un cauchemar. Elle pensait à l'impatience de Massimo, à tout ce qu'il devait supposer, et se faisait d'amers reproches. Depuis tout un jour déjà, il aurait dû recevoir sa réponse. Elle ne quittait plus son boudoir, ne voulait voir personne, et ressentait une souffrance toute nouvelle. Enfin, le soir, elle sortit et rentra, brisée et soulagée en même temps. Elle avait expédié un télégramme avec ce seul mot « Venez ».